إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. On se retrouve donc ce soir pour entamer la lecture et l'étude d'une nouvelle épître parmi les épîtres du Cheikh et l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Tamimi rahimahullah ta'ala. L'épître que nous allons étudier est intitulée Masailul Jahiliya التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. Les préceptes pré-islamiques au sujet desquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est opposé aux gens de la Jahiliya, aux gens de la période pré-islamique. Donc on voit que pour comprendre ce titre et le sujet de cet épître, il est nécessaire pour nous tout d'abord de comprendre les différents termes qui sont mentionnés dans celui-ci. Tout d'abord, qu'est-ce que la Jahiliya, que l'on a traduit par période pré-islamique. En arabe, al-jahiliya, cela fait référence au jahl, à l'ignorance. Et l'ignorance, c'est l'absence de science, l'absence de savoir. Donc la période pré-islamique, c'est une période d'ignorance durant laquelle la science était absente. C'est-à-dire que c'est la période durant laquelle il n'y avait pas de messager et pas de livre. Et ce qui est visé ici par la Jahiliya, c'est la période qui a précédé l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les préceptes de la Jahiliya, les préceptes de cette période pré-islamique, de cette période d'ignorance, ce sont des préceptes blâmables. Et ce sont ceux qui étaient présents avant la religion de l'islam, à l'exemple du polythéisme, ainsi que d'autres préceptes, comme nous allons le voir à travers l'étude de cet ouvrage, Inch'Allah ta'ala. Et qui sont les gens de la Jahiliya? Qui sont les gens de la période pré-islamique? Avant l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les gens étaient de différentes sortes. Il y avait parmi eux, al-kitabiyoun, ce que l'on appelle ahlul kitab, c'est-à-dire les gens du livre parmi les juifs et les chrétiens, al-yahoud, les juifs, ils avaient un livre, qui est la Torah. Et c'est le livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Moussa, alayhi salam. Et les chrétiens avaient quant à eux l'évangile, qui est le livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Isa, fils de Maryam, alayhi salam. C'est donc pour cela que les juifs et les chrétiens ont été appelés gens du livre. Et ce afin de les distinguer d'autres que parmi les mécréants et les polythéistes qui n'avaient pas de livre. L'autre catégorie de personnes qui étaient présentes avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les gens de la Jahiliya, c'est ce que l'on appelle al-ummiyoun. Et ce qui est visé par cela, ce sont les Arabes qui ne pratiquaient pas les deux religions que l'on a mentionnées précédemment. Et ils ont été appelés ummiyoun en référence à l'analphabétisme. Donc, al-ummiyoun, cela veut dire en français, les analphabètes, ceux qui ne savent ni lire, ni écrire. Et telle était la situation des Arabes, de manière générale, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé. Et eux, ils n'avaient pas de livre avant la révélation du Coran. C'est pour cela qu'ils ont été appelés, al-ummiyoun, les analphabètes. Donc, avant l'envoi du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le monde entier était plongé dans la mécréance et l'égarement. Et ce, car les messages des prophètes qui l'ont précédé avaient disparu ou avaient été altérés. Les juifs avaient altéré leurs livres. Ils avaient altéré la Torah. Ils ont inséré dans celle-ci de nombreuses choses relevant de la mécréance, de l'égarement et du polythéisme. Et de la même manière, les chrétiens, ils ont altéré l'évangile. L'évangile, qui était présent déjà à cette époque, n'était pas celui qu'avait révélé Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète Isa alayhi salam. Et il est rapporté que la cause de l'altération de l'évangile est un homme appelé Paul. C'était un juif qui avait de l'hostilité envers Isa alayhi salam. Il a donc utilisé de la ruse afin de corrompre et d'altérer la religion de Isa alayhi salam. Il a fait croire qu'il avait la foi au Messie, qu'il croyait en Isa, et qu'il regrettait l'animosité et l'hostilité qu'il avait auparavant pour le Messie. Il a prétendu avoir eu une vision, et suite à celle-ci, il aurait cru en Isa. Alors, les chrétiens l'ont cru, et après cela, il a altéré l'évangile qu'Allah a révélé à Isa alayhi salam. Il y a donc introduit toutes sortes d'idolâtrie, de polythéisme, de mécréance, à l'exemple de la croyance en la Trinité, que Allah est le troisième des trois, que Isa est le fils d'Allah, ou que c'est lui Allah, wal'iyadu billah. Il a inséré tout cela dans l'évangile, et les chrétiens l'ont cru, car il était pour eux un savant et un croyant. Il a donc obtenu ce qu'il voulait, qui était de corrompre la religion de Isa alayhi salam et d'y introduire différentes formes de polythéisme. Et lorsque l'on médite sur cette histoire, qu'est-ce que cela nous rappelle? Cela nous rappelle ce qui nous est rapporté au sujet de Abdullah ibn Sabah, ce juif yéménite qui a prétendu entrer en islam à l'époque du calife bien guidé, Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu. Celui-ci a montré en apparence qu'il était musulman, puis il a exagéré au sujet de Ali, radiyallahu ta'ala anhu, tout cela dans le but de corrompre l'islam et de détourner les gens de la religion authentique. Et les suiveurs de Abdullah ibn Sabah, ce sont les Rafida, les Rafidites, comme les chiites d'Iran, de Syrie ou les Houthis au Yémen, ceux qui ont tenté d'altérer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la religion de l'islam et le Coran sont préservés, car Allah subhanahu wa ta'ala s'est porté garant de leur protection. Il a dit subhanahu wa ta'ala, Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre leur appel. Et c'est nous qui en sommes protecteurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est porté garant de la préservation de cette religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il y aurait toujours, au sein de cette communauté, un groupe triomphant sur la vérité. Et ce, jusqu'à la venue de l'heure. Donc, telle était la situation des gens du livre avant l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient tombés dans différentes sortes de polythéisme et de mécréance, et ils avaient dévié de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quant aux Arabes, ils étaient en différents groupes. Certains parmi eux suivaient les religions précédentes, comme la religion des Juifs, la religion des chrétiens, ou même encore la religion des adorateurs du feu, al-Majusiyya. D'autres étaient restés sur la religion d'Al-Hanifiyya, la religion d'Ibrahim, et de son fils Ismaïl, alayhim as-salam, et ce surtout dans les terres du Hijaz, c'est-à-dire la région ouest de la péninsule arabique, et plus précisément à Mecca. Et ce, jusqu'à ce que vienne un homme appelé Amr ibn Luhay al-Khuza'i, qui était un des rois au Hijaz. Cet homme a un jour voyagé au Cham, donc au nord du Hijaz, et il a trouvé que les gens du Cham adoraient les statues. Cela lui a plu. Il a alors ramené avec lui des statues du Cham. Et il a même déterré les statues qui étaient enterrées depuis qu'ont péri le peuple de Nuh, alayhi salam. Wad, Suwa, Yaghouth, Ya'uq, Nasr, ainsi que d'autres statues. Elles avaient toutes été enterrées après le déluge, et lui, il les a déterrées. Le diable est venu à lui et lui a indiqué les endroits où elles se trouvaient. Il les a alors déterrées et les a distribuées aux différentes tribus parmi les Arabes. Et il a ordonné de les adorer. Et c'est ainsi qu'il a altéré la religion de Ibrahim, alayhi salam. On voit donc que le monde entier, que ce soit les gens du livre, ou les Arabes, ou autres parmi les gens sur terre, ils étaient tous dans un égarement évident avant l'arrivée de notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À l'exception de certaines personnes parmi les gens du livre, qui étaient encore sur la religion de vérité, mais ils ont disparu peu de temps avant la venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est alors à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce afin de faire sortir les gens de l'obscurité de la mécréance, de l'obscurité du polythéisme, à la lumière de la foi et du culte sincère voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il leur a envoyé un messager de parmi eux qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Et ce, avant l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une fois que l'on sait qu'est-ce que la jahiliya, quelle était la situation des gens avant la venue de l'islam, on a alors la certitude que toute chose qui est affiliée à la jahiliya, qui fait partie des préceptes de la jahiliya, alors c'est forcément une chose blâmable. Et notre religion nous a interdit de nous assimiler aux gens de la jahiliya. Et cette jahiliya, d'un point de vue général, elle s'est terminée à la venue de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, lorsqu'il a été envoyé, la science et la foi se sont répandues. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran, il a révélé la sunna, et cette science s'est propagée, et l'ignorance s'est alors dissipée. Il n'y a donc plus aujourd'hui de jahiliya d'un point de vue général. C'est pour cela qu'il n'est pas permis de dire « les gens sont aujourd'hui dans la jahiliya ». Les gens de notre époque sont dans la jahiliya. Ou encore, le monde entier est dans la jahiliya. Car en disant cela, cela revient à renier la présence d'un message, la présence du Coran et de la Sunna, et la présence de la religion de l'islam. Il n'est donc pas permis de dire une parole ainsi d'une manière générale. Toutefois, il reste encore aujourd'hui certaines choses et certains préceptes qui font partie des préceptes de la jahiliya, et ce dans certaines personnes, ou alors dans certains peuples, ou dans certains pays, ou certains individus. Il y a des préceptes, parmi les préceptes de la jahiliya, de la période pré-islamique, qui sont encore présents aujourd'hui. Et ceci, ce n'est pas une jahiliya qui est générale, mais elle est partielle, ou bien dans certaines personnes, ou bien dans certains pays, ou bien dans certains peuples, et ainsi de suite. Certains préceptes sont encore présents aujourd'hui. Et parmi ces préceptes, il y en a certains qui font partie des préceptes des Juifs et des chrétiens, d'autres qui font partie des préceptes des idolâtres et des polythéistes, et d'autres qui font partie des préceptes de ceux qui se sont assimilés à eux et les ont suivis dans le polythéisme et les innovations. Donc ces préceptes, ils sont encore présents aujourd'hui. Certains sont même présents chez certaines personnes qui s'affilient à l'islam. Pire encore, certains de ces préceptes sont présents chez certaines personnes affiliées à la sunna. Et plus surprenant encore, le fait que certains de ces préceptes sont présents chez certaines personnes affiliées à la science et à la prédication. Et on va voir les détails de cela, inshallah ta'ala, tout au long de notre étude de ce livre. Donc si tu sais cela, tu comprends l'importance de l'étude de cet ouvrage. Car dans cet ouvrage, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous a exposé 128 questions qui font partie des préceptes de la jahiliya. Et l'auteur, rahimahullah, a tiré cela des textes du Coran et de la Sunna, ainsi que des paroles des gens de science. Et l'objectif de l'étude d'un tel ouvrage est de prendre garde à ces préceptes, et ce afin que l'on s'écarte de ces préceptes, car ce sont des choses qui sont interdites et qui sont très dangereuses pour la religion du musulman. Tu ne dois pas te dire, à partir du moment où la période pré-islamique est révolue, je n'ai pas besoin de connaître la situation des gens à cette époque. Je n'ai pas besoin de connaître leurs préceptes. Je suis musulman, alhamdoulillah. Je n'ai pas besoin de connaître cela. Il faut que tu saches qu'une telle pensée et une telle parole est une grave erreur. En effet, si tu ignores quels étaient les préceptes de la jahiliya, quels étaient les préceptes des polythéistes et des mécréants qui est venu abolir ta religion qui est l'islam, si tu ne connais pas cela, il est possible que tu tombes dedans sans même t'en rendre compte. Il est donc indispensable pour nous de connaître le mal, et ce, afin de s'en préserver. Comme il est venu dans le hadith de Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, Les gens interrogeaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet du bien, et moi, je l'interrogeais au sujet du mal. Pourquoi? Il nous dit ensuite, par peur qu'il m'atteigne, par peur de tomber dedans. Tel est l'objectif de l'étude et de la connaissance des préceptes des gens du faux. L'objectif est de t'en écarter, car tu dois toujours avoir en tête que le diable, il tente avec grande ferveur d'égarer les musulmans de leur religion, de les détourner du droit chemin. Et les prédicateurs au mal, ils sont très nombreux, d'autant plus à notre époque. Et ils ne cessent d'appeler les gens à des préceptes qui sont des préceptes de la jahiliya. Que ces préceptes relèvent de l'innovation, que ces préceptes relèvent de la superstition, ou que ces préceptes relèvent de la mécréance ou du polythéisme. Donc le musulman, il doit prendre garde à cela. Il doit savoir que ces prêcheurs au mal sont présents et font de grands efforts avec pour objectif de faire oublier aux gens les préceptes de l'islam authentique et de les ramener aux préceptes de la jahiliya. Il est donc indispensable pour nous d'étudier ce sujet et d'y accorder une grande attention, et ce afin de préserver notre religion. Ceci est une chose, et la deuxième chose qui nous montre l'importance de l'étude de cet ouvrage ou de ce sujet de manière générale, c'est que si tu connais la jahiliya, les préceptes de la période pré-islamique, la situation des gens à cette époque, alors ceci te permettra de connaître le grand mérite de la religion de l'islam. Cette religion dont Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait grâce et dont tu fais partie de ses membres. Cette religion qui est la seule religion agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle n'accepte aucune religion que celle-ci. Donc si tu connais la situation des gens avant l'islam et des gens qui adoptent ces préceptes, qui font partie des préceptes de la jahiliya, tu reconnaîtras la grande grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordée en te permettant de faire partie des musulmans. Donc on va commencer à lire les paroles du Cheikh, rahimahullah ta'ala, qui a commencé par une courte introduction, puis ensuite on va passer à la première question, au premier précepte, parmi les préceptes de la jahiliya, abolis par la religion de l'islam. Il dit, rahimahullah, « هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الكتابيين والأميين. » Il dit, rahimahullah, « Voici des préceptes au sujet desquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est opposé aux gens de la jahiliya, parmi les gens du livre et al-ummiyin, les arabes. » Il dit, « Mimma la ghina lil muslim an ma'rifatiha. » Et ils font partie des choses dont le musulman ne peut se passer de leur connaissance. Comme on l'a vu, on apprend à connaître le mal afin de s'en préserver. Il dit ensuite, mentionnant un vers de poésie, « فَالضِدُّ يُظْهِرُ حُسْنَهُ الضِدُّ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ » Il dit le contraire d'une chose, il va montrer la beauté de son contraire. Et c'est par le contraire d'une chose que tu vas la connaître. C'est-à-dire que lorsque tu vois la bassesse et l'égarement et le polythéisme présents chez les gens de la jahiliya, tu vas te rendre compte de la beauté de l'islam et du mérite de l'islam sur les autres religions. Il dit ensuite, rahimahullah, فَأَهَمُّ مَا فِيهَا وَأَشَدُّهَا خَطَرًا عَدَمُ إِمَانِ الْقَلْبِ بِمَا جَاهَ بِهِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et parmi les choses les plus importantes et les plus dangereuses qui étaient présentes, c'est-à-dire à l'époque de la jahiliya, l'absence de foi dans le cœur en ce avec quoi est venu le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ce car les gens de la jahiliya, ils ont mécru au messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont traité de menteur. Ils n'ont pas accepté le message avec lequel il est venu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, فَإِنْ يُنْضَافَ إِلَى ذَلِكَ إِسْتِحْسَانُ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ تَمَّتِ الْخَسَارَةِ. Et s'y s'ajoute à cela l'approbation de ce sur quoi étaient les gens de la jahiliya, alors la perdition sera complète. La perdition sera complète, car la personne sera corrompue en apparence ainsi que dans son fort intérieur. Elle sera corrompue dans son fort intérieur, car elle n'aura pas la foi au messager sallallahu alayhi wa sallam. Elle sera corrompue en apparence de par son approbation des préceptes de la jahiliya. Et ceci est la conséquence de l'ignorance et du fait de ne pas connaître ces préceptes. Il est donc interdit pour le musulman d'approuver les préceptes des gens de la Jahiliya. Il est plutôt obligatoire de les réprimander et de s'en écarter. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala a argumenté et a prouvé que ceci est la perdition complète en mentionnant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Quant à ceux qui croient au faux, c'est-à-dire à tout ce qui s'oppose à la vérité, et parmi ceux-là, les préceptes de la Jahiliya. Quant à ceux qui croient au faux et ne croient pas en Allah, ceux-là seront les perdants. Ensuite, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, il passe à la première question et au premier précepte contre lequel il va nous avertir dans ce livre, qui est le fait de donner des associés à Allah en invoquant les vertueux. Il dit, rahimahullah, المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته. Le premier précepte, c'est qu'ils avaient comme culte le fait d'associer les vertueux dans l'invocation d'Allah et son adoration. C'est-à-dire qu'ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils adoraient aussi autre que lui parmi les vertueux. Il dit ensuite, rahimahullah, يريدون شفاعتهم عند الله. Ils voulaient leur intercession auprès d'Allah. لِظَنِّهِمْ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ذَلِكَ وَأَنَّ الصَّالِحِينَ يُحِبُّونَ. Et ce en pensant qu'Allah aimait cela et que les gens vertueux aimaient cela. كَمَا قَالَ تَعَالَى وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا هُلَاهِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et ils disent: ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. C'est le verset 18 de Sourate Yunus. وقال تعالى, et Allah dit aussi, والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Tandis que ceux qui prennent des alliés, des protecteurs, en dehors d'Allah, ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Ceci le verset 3 de Surat Az-Zumar. Il dit ensuite, rahimahullah, وَهَذِهِ أَعْظَمُ مَسْأَلَةٍ خَالَفَهُمْ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et ceci est le plus grand précepte au sujet duquel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est opposé à eux. فَأَتَى بِالْإِخْلَاسِ. Il est venu avec l'ikhlas, le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, de n'adorer qu'Allah en dehors de tout autre que lui. وَأَخْبَرَ أَنَّهُ دِينُ اللَّهِ. Et il a informé que ceci est la religion d'Allah. الَّذِي أَرْسَلَ بِهِ جَمِيعَ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Il a informé que ceci est la religion d'Allah avec laquelle il a envoyé l'ensemble des messagers. وَأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنَ الْأَعْمَالِ إِلَّا الْخَالِصِ. Et que aucune œuvre ne peut être acceptée si ce n'est celle qui est vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, celle qui est sincère. وَأَخْبَرَ أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَسْتَحْسَنُ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ. Et il a informé, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui fait ce qu'ils ont approuvé, alors Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ. Certes, quiconque donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Il dit ensuite, rahimahullah, وَهَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي تَفَرَّقَ النَّاسُ مِنْ أَجْلِهَا بَيْنَ مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ. Il dit, et ceci est la question pour laquelle les gens se sont divisés entre croyants et mécréants. وَعِنْدَهَا وَقَعَتِ الْعَدَاوَةِ. Et c'est pour cela que l'animosité a lieu entre eux. وَلِأَجْلِهَا شُرِعَ الْجِهَادِ. Et c'est pour celle-ci que la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala a été légiféré. كما قال تعالى, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Et lutter contre eux jusqu'à ce que ne subsiste plus de fitna. Et la fitna qui est mentionnée ici dans ce verset, c'est le shirk, comme l'ont mentionné Ibn Abbas et Mujahid, ainsi que d'autres, comme on le trouve dans l'explication de ce verset. Et lutter contre eux jusqu'à ce que ne subsiste plus de fitna, c'est-à-dire plus de shirk, et que la religion soit entièrement à Allah. Ceci est donc le premier précepte au sujet duquel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est opposé aux gens de la jahiliya. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et l'adoration, comme on le sait, c'est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas permis d'adorer autre que lui, que ce soit un prophète, un ange, un vertueux ou toute autre chose. L'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens de la jahiliya, ils ont inversé les choses. Ils ont délaissé l'adoration exclusive d'Allah, celle pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, et ils ont adoré autre qu'Allah. Ils ont adoré les statues, les arbres, les pierres, les djinns, les anges et les gens vertueux, ainsi que d'autres choses qu'ils adoraient. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'agrée aucune forme de polythéisme. Le shirk tout entier, il est interdit. Et ceci est la plus grave chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu interdire. Et c'est pour cela que le shaykh rahimahullah ta'ala a commencé ici par celle-ci. Ce car c'est la question la plus dangereuse. C'est le précepte, parmi les préceptes de la jahiliya, le plus dangereux qui est venu abolir l'islam. Et c'est par cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé son prêche. Il a commencé par condamner le polythéisme. Et il a appelé les gens à le délaisser et à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que l'ensemble des prophètes et des messagers qui l'ont précédé, alayhi salatu wa salam, ils ont tous commencé leur prêche par l'appel à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser l'adoration de tout autre qu'Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tâghût et écartez-vous de l'adoration de tout autre qu'Allah. Ceci est donc le fondement le plus immense de notre religion. Et c'est sur ce fondement que tu vas bâtir l'ensemble de ta religion. Donc si ce fondement est corrompu, le reste, il ne sert à rien. Que ce soit la prière, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage, la umra, ou autre parmi les adorations qui peuvent être vouées à Allah subhanahu wa ta'ala. Si la personne fait tout cela, mais qu'en parallèle de cela, elle donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, alors l'ensemble de ses œuvres sont vaines. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, « La in ashrakta, la yahbatanna amaluk, wa la takunanna min al-khasirin. » Si tu donnes des associés à Allah, alors tes œuvres seront certes vaines et tu feras certainement partie des perdants. Donc les gens de la jahiliya, ils adoraient de nombreuses choses, comme on a pu le voir pour ceux qui ont suivi avec nous l'étude du livre Les Quatre Règles, Al-Qawa'id al-Arba'. Et parmi les choses qu'ils adoraient, il y avait les gens vertueux, comme l'ont fait les gens du peuple de Noé, alayhi salam, qui ont exagéré au sujet des vertueux au point de les adorer, sous prétexte que comme ils sont pieux, ils pouvaient les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et intercéder pour eux auprès d'Allah. Donc leur objectif final, c'était quoi? C'était de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala les a réprimandés. Allah subhanahu wa ta'ala a statué de leur mécréance et a interdit cela. Il est important de comprendre que ces gens, ils ne disaient pas « nous donnons des associés à Allah », mais ils savaient que ceux à qui ils vouaient ces œuvres, c'était des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils les prenaient seulement comme intermédiaires pour se rapprocher davantage d'Allah. Ils n'appelaient pas leur œuvre polythéisme, et ce car le diable leur avait embelli les choses en leur disant que ceci n'est pas du shirk, que ce n'est pas du polythéisme, mais c'est simplement du tawassul, manière de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de demander l'intercession. Toutefois, ce qui est pris en considération, ce n'est pas le nom qui est donné aux choses, mais ce qui est pris en considération, c'est la réalité des choses. Donc ce qu'il faisait, c'est bel et bien du polythéisme, et ceux qui l'appellent demande d'intercession, ou tawassul, ou moyen de se rapprocher d'Allah, ou tout autre nom. La réalité de cette chose, c'est que c'est du polythéisme. Et cela revient à donner des associés à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'accepte et n'agrée en aucun cas qu'on lui donne des associés. Comme il a dit, subhanahu wa ta'ala, « فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Quiconque espère la rencontre de son Seigneur, alors qu'il fasse des œuvres pieuses. Les œuvres pieuses, c'est celles qui sont sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformes à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont les seules œuvres acceptées d'Allah. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Et qu'il ne donne aucun associé dans l'adoration de son Seigneur. Donc le fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, cela fait partie des préceptes les plus importants qui est venu abolir l'islam. Et entre dans cela le fait d'adorer les gens vertueux parmi les morts ou les absents, d'implorer leur secours, de leur adresser des demandes et de les invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation, c'est une des plus grandes formes d'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit dans le hadith, l'invocation c'est l'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit d'invoquer autre que lui. Il a dit subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرْ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Et quiconque invoque avec Allah un autre Dieu, alors qu'il n'a aucune preuve au sujet de son existence, c'est-à-dire aucune preuve qu'il peut invoquer cet autre, aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussissent pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, ceux qui invoquent autre que lui, il les a appelés mécréants. Et est-ce que cela est encore présent aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui pratiquent ce précepte qui fait partie des plus graves préceptes des gens de la jahiliya? La réponse est oui, malheureusement. Il y a aujourd'hui des gens qui s'affilient à la religion de l'islam. Et il se peut même que ce soit des gens qui vouent certaines adorations à Allah subhanahu wa ta'ala, comme la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage ou autre, mais qui en parallèle de cela se rapprochent des morts. Ils invoquent les morts en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils adorent les tombes et les mausolées. Ils se frottent aux tombes et demandent à leurs habitants de leur accorder la subsistance, de leur accorder la guérison, de leur accorder des enfants, ou autre chose parmi les choses que demandent les adorateurs de tombes à leurs habitants, Allah al-Musta'an. Donc ceux-là, al-Quburiyoun, les adorateurs de tombes, qui sont présents chez différents groupes égarés parmi les groupes affiliés à l'islam, si tu discutes avec eux, que tu les conseilles et que tu leur interdis l'adoration des tombes, qu'est-ce qu'ils vont te répondre? Ils vont te dire, mais nous n'adorons pas les tombes. Nous savons que l'adoration est un droit d'Allah. Nous savons que l'adoration doit être vouée à Allah. Mais ceux-là, ce ne sont que des intermédiaires. C'est des intermédiaires entre nous et Allah. Ils vont nous rapprocher d'Allah. Nous, on fait des péchés, on ne peut pas invoquer directement Allah. Donc on invoque auprès de ces tombes. Et eux, ils transmettent notre demande à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Quelle est la différence entre leurs paroles et la parole des premiers polythéistes, comme on a vu dans les versets? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Ils adorent dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. Et ils disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors d'Allah disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. On voit donc que leurs arguments sont les mêmes arguments que les premiers polythéistes. Les premiers polythéistes, ils ne croyaient pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait des associés dans la création, ou dans le fait de donner la subsistance, ou de donner la vie ou la mort. Ils savaient que tout ceci fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il n'a nul associé en cela. Mais ils n'ont donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala que dans le but d'espérer se rapprocher davantage d'Allah. Disait la même chose que ces adorateurs de tombes. Nous faisons des péchés, eux ils sont pieux, ils ont un rang éminent auprès d'Allah, donc on attend d'eux qu'ils intercèdent pour nous auprès d'Allah, pour qu'Allah accepte notre tauba, pour qu'Allah accepte nos adorations et nos invocations. C'est ainsi que le diable leur a enjolivé le polythéisme et l'association à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est le plus grave des péchés et la plus grande forme d'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin d'intermédiaire. Allah subhanahu wa ta'ala, il est proche. Il répond aux invocations. Il nous entend, il nous voit. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans son noble livre, وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas demandé de prendre des associés. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de l'invoquer seul, en dehors de tout autre que lui. Donc, comme on le voit, ce précepte est le précepte le plus grave et le plus important qui est venu abolir l'islam. Et c'est le polythéisme. Et c'est par cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé son prêche. Il appelait les gens à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur disait, dites, la ilaha illallah, et vous réussirez. Et lorsqu'ils l'entendaient, ils comprenaient le sens de cette parole. Ils comprenaient le sens de la ilaha illallah. Et c'est pour cela qu'ils refusaient de prononcer cette parole. Le tawhid, c'est donc la base de notre religion. Et c'est par cela qu'il convient à tout prédicateur de commencer son prêche. Et c'est à cela que tout prédicateur doit accorder la plus grande importance dans son prêche. L'appel au tawhid, l'appel à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ceci est la voix de l'ensemble des messagers, alayhim salatu wassalam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler « Il n'y a pas de Dieu en dehors de moi », c'est-à-dire « Il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré en dehors de moi, adorez-moi donc ». Et ceci est le sens de la parole du Tawhid, ceci est le sens de la ilaha illallah, cette parole par laquelle on sort de la mécréance et on entre dans l'islam. Lorsque tu dis la ilaha, cela veut dire que tu renies l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu dis illallah, sauf Allah, tu affirmes que l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme l'a mentionné l'auteur, rahimahullah, c'est au sujet de ce précepte que les gens se sont divisés en musulmans et mécréants. Une partie des gens ont cru au messager sallallahu alayhi wa sallam et ont voué un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, et ce sont eux les musulmans. Et l'autre partie se sont opposés au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ont persisté dans le polythéisme, et ce sont eux les mécréants. Et il nous dit, rahimahullah, et c'est à ce sujet qu'a eu lieu l'animosité. C'est-à-dire l'animosité entre les monothéistes et les polythéistes. L'animosité entre les musulmans et les mécréants. Et ce car il est interdit pour le croyant d'aimer les mécréants, même s'ils font partie de ses plus proches parents. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, « La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasoola. » Tu ne trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier des gens qui prennent pour amis ce qui s'oppose à Allah et à son messager. وَلَوْ كَانُوا أَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. Fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. L'alliance et le désaveu, cela fait partie des fondements importants de notre religion. Et c'est un des fondements auxquels nombreux parmi les gens de l'égarement s'opposent à notre époque. À titre d'exemple, ces gens qui appellent aujourd'hui au rapprochement des religions, qui prétendent que les religions sont toutes des religions célestes, ou pire encore, qui prétendent qu'il n'est pas permis de dire que les juifs et les chrétiens sont des mécréants. Quel est leur objectif? Leur objectif, c'est de faire disparaître ce fondement important qui est al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu, pour ensuite faire disparaître l'islam. La seule religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte, c'est la religion de l'islam. Il n'y a aucune autre religion authentique en dehors de l'islam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque recherche une religion autre que l'islam, alors ceci ne sera jamais accepté de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc tous ces appels au rapprochement de religions, ce sont des appels au faux et à l'égarement. Ils organisent pour cela de nombreux congrès, des rassemblements et des conférences. Et ils dépensent beaucoup d'argent pour cela, dans le but de faire disparaître l'alliance et le désaveu de la religion des musulmans. Et il n'y a pas de doute que ceci s'oppose à notre religion, qu'il n'est pas permis de tolérer cela, qu'il n'est pas permis de l'accepter ou de l'approuver, et encore moins de participer et de soutenir ce genre de personnes ou ce genre d'événements. Mais notre obligation en tant que musulmans, c'est de réprimander cela, de mettre en garde contre cela et de mettre en garde contre les gens qui appellent à cela, qui que soient ces personnes, même s'ils font partie de représentants de grandes instances religieuses dans le monde islamique, à partir du moment où ils appellent à ce genre de choses et ce genre de préceptes s'opposant à notre religion, alors il est obligatoire pour nous de nous écarter d'eux et de prendre garde à cela. Et comme on le répète à chaque fois dans nos cours, le fait de mettre en pratique l'alliance et le désaveu, en aucun cas cela ne veut dire que l'on ne donne pas aux mécréants les droits qu'ils ont sur nous, que ce soit le fait de respecter nos engagements envers eux, ou de leur accorder le droit du voisinage et d'avoir un bon comportement avec eux, de faire preuve de bienfaisance envers ceux qui sont bienfaisants envers nous. Tout ceci sont des choses auxquelles appelle notre religion. Notre religion, elle n'appelle pas au désordre, à l'injustice et au meurtre d'innocents. Ceci ne fait pas partie de l'islam. Ceci est la religion des Khawarij, ce groupe égaré, connu à notre époque sous le nom de Daesh, ou encore d'Al-Qaïda, ou d'Al-Nusra. Tous ces groupes sont des groupes qui s'affilient à l'islam, mais qui se sont égarés du droit chemin de l'islam. Et l'islam est innocent de leurs agissements. Il est essentiel de rappeler cela à chaque fois que l'on aborde le sujet de l'alliance et du désaveu, et ce, afin d'éviter toute confusion à ce sujet. On a donc terminé l'étude de cette première question et de ce premier précepte qui est venu abolir l'islam et qui est le polythéisme. On se retrouve demain, Inch'Allah ta'ala, pour la suite de l'étude de cet ouvrage. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.